Marussia et son dragon par Horace von Hoffel. Marussia était mignonne quand elle jouait dans les jardins du roi son père. En la contemplant, le roi hochait la tête. Marussia, oh Marussia, pensait-il, à cause de toi j'aurais du souci. Ta démarche souple, tes longs yeux arqués, ton visage, déjà rempli d'amour et de peine, me donne à réfléchir. Il est temps d'assembler mon conseil pour te trouver un mari. Ainsi méditait le roi, mais il n'agissait pas, car c'était un roi fainéant. Un jour, Marussia sortit avec sa nourrice. Arrivée au bout de sa promenade, elle voulut aller plus loin que d'ordinaire, plus loin que la ferme, le moulin, les vergers, les champs et les terrains vagues. « Marussia, ma gracieuse, suppliait la nourrice, arrêtons-nous ici. Là-bas, dans une grotte au pied de la montagne, habite un dragon. De quel régiment ? Demanda Marussia. Non. Pas un dragon vertueux et militaire, mais un vrai dragon, un méchant dragon à sept têtes. Sept têtes ? S'écria Marussia, je veux le voir. Et elle courut vers l'antre du monstre en laissant sa nourrice pâle et immobile d'effroi. Le dragon reçut Marussia poliment. Chacune de ses sept têtes parlait à sa façon. Les discours de la première étaient comiques, de la deuxième tragiques, de la troisième pathétiques, de la quatrième magiques, de la cinquième ironique, de la sixième chimérique et de la septième véridique. Cela formait un si bel ensemble que Marussia en fut séduite, à tel point qu'elle oublia de rentrer chez son père le même jour, le jour suivant, le jour d'après et tous les autres jours. Le roi n'était pas content. « Nous voilà, grommela-t-il, avec une histoire de dragon sur les bras. Je l'avais bien prévu que Marussia nous donnerait du tracas. » Il va falloir convoquer tous les jongleurs, vagabonds et chevaliers errants du royaume et leur promettre monts et merveilles. Enfin, puisque c'est la coutume, que les héros aillent faire leurs proclamations dans les bourgs, hameaux, villages et lieux-dits. Je donne Marussia celui qui la délivrera, plus 20 arpents de terre, un carrosse à glace et un bâton de maréchal. Naturellement, les aventuriers accoururent en grand nombre. La plupart étaient formidablement armés et portaient des cuirasses de l'ancien temps. Avant de les envoyer au combat, on leur donnait les instructions nécessaires. « Attention, messire ! Chaque tête a sa manière de parler. La première comique, la deuxième tragique, la troisième pathétique, la quatrième magique, la cinquième ironique, la sixième chimérique et la septième véridique. Le tout est de tenir aux têtes un autre langage que le leur. Alors le dragon s'embrouille, s'y perd, oublie de cracher du feu, de lancer ses vapeurs asphyxiantes, et on a tout le loisir de le tuer. Allez-y, et que Dieu vous soit en aide. » Hélas, les champions de Marussia avaient plus de vaillance que d'esprit. Au lieu d'embrouiller le malicieux dragon, ils s'embrouillaient eux-mêmes dans les comiques, tragiques, pathétiques, magiques, ironiques, chimériques et véridiques. Le dragon les assommait et les avalait tout cru, avec leurs cuissards, leurs gantelets, leurs boucliers, leurs lances et leurs casques. Régime dont ils se trouvaient bien, car le fer, pris à bonne dose, purifie le sang et fortifie les muscles. Bref, au lieu de détruire le dragon, on n'arrivait qu'à l'engraisser et à le mettre en belle humeur. Cela menaçait de durer longtemps lorsque l'arrivée du chevalier Pétrel vint changer la face des choses. Pétrel était un vrai chevalier, expert en chevalerie, assis sur un destrier blanc, carapassonné d'or et de verre, béaillère, et pourtant au cimier de son home une forêt de panaches couleur ventre de biche. On voulut lui faire la leçon comme aux autres, mais Pétrel riposta. « Pas tant de raisons, je taperai dans le tas, nonobstant le comique, le tragique, le pathétique, le magique, l'ironique, le chimérique et le véridique. Ayez vos apaisements. » Et réellement, il assaillit le monstre et lui trancha ses sept têtes bavardes d'un seul coup de glaive. Marussia était délivrée. Le peuple fut bien aise de la voir revenir en triomphe au palais. Les noces se firent tout de suite. On but, on mangea, on dansa, on joua de la cornemuse et de la mandore pendant 3 semaines. Dans la salle du festin, ornée de tapisseries et de miroirs de Venise, autour des tables couvertes de vaisselle d'or, de coupes, de nefs, de drageoires et d'aiguières, circulaient des pages, des échansons et des fous. Des entremets divertissaient les convives, des cygnes de massepain nageant dans un lac de confiture, des pâtés d'où s'envolaient des colombes, un clocher de sucre avec son carillon, un cerf mécanique qui vint incliner ses cornes d'or devant les jeunes époux. fidèle à sa parole, le roi donna à Pétrel 20 arpents de terre, un carrosse à glace et un bâton du maréchal. Pendant un an, Maroussia se crut heureuse. Puis ses longs yeux arqués redevinrent tristes. Elle se mit à considérer Pétrel plus attentivement. Pour parler net, il était mieux en armure qu'en robe de chambre. Privé de son casque et de ses plumes à ventre de biche, il perdait de son prestige. Sauf respect, il avait l'air, avec ses cheveux taillés en brosse et ses grandes moustaches, d'un gendarme en civil. Ses discours manquaient de grâce et il abusait de certaines locutions peu agréables, telles que « subséquemment », étant donné que, vu que, il n'importe que, et ainsi de suite. En outre, il avait introduit dans son domestique un système de tyrannie qui épouvantait les servantes, les valets et les officiers de bouche. Il passait inspection sur inspection et exigeait qu'on lui fournît toutes sortes d'états dont il avait établi les modèles. État des vivres consommés, état des réparations, état du personnel présent, absent ou exempt de service, le tout écrit à la ronde et rédigé en style de sergent-major. Le soir, il travaillait à son grand ouvrage, le manuel du parfait chevalier errant en campagne. Il en lisait des morceaux à haute voix. C'était ennuyeux à périr et plein de ces énormes niaiseries que tous les vieux soldats portent dans leur giberne. « Si vous voulez la paix, faites la guerre. La victoire appartient à celui qui prend le dessus. La surprise est généralement inattendue. La discipline faisant la principale force des armées, il importe que tout inférieur ait pour son supérieur le respect qui lui est dû. » Il y avait des moments où Pétrel agaçait tellement Maroussia qu'elle avait envie de l'envoyer en Amérique ou de lui casser son bâton de maréchal, changé en calamite porte-plume, sur le crâne. N'y tenant plus, elle s'en alla trouver le dragon endormi à côté de ses 7 têtes tranchées. Elle recousit la tête comique avec un fil de soie. La tête comique, redevenue loquace, l'amusa tellement qu'elle l'écoutait jusqu'au soir. « D'où viens-tu ? » demanda Pétrel à Maroussia, en la voyant rentrer avec des joues rouges. « Je me suis promené au bord de la rivière. Doutes-tu de ma parole ? Jamais un loyal chevalier ne doute de la parole de sa dame. »« Il n'est pas malin, » pensa Maroussia. Le lendemain, elle retourna chez le dragon et recousit la tête tragique avec un fil de fer. « D'où viens-tu ? » demanda Pétrel en la voyant rentrer toute songeuse. « J'ai cueilli des primes vertes près de la fontaine. Doutes-tu de ma parole ? » ?»« Jamais un loyal chevalier ne doute de la parole de sa dame. »« Il est stupide, » se dit Maroussia. Il retourna encore chez le dragon en recousant chaque fois une tête. La pathétique avec un fil d'acier, la magique avec un fil de cuivre, l'ironique avec un fil d'argent, la chimérique avec un fil d'or, et la verdique avec un fil de platine. Quand les 7 têtes furent recousues, elle ne revint plus au domicile conjugal et plus jamais on entendit parler d'elle. Cependant Pétrel alla se plaindre au père de Maroussia, plus débonnaire et plus fainéant que jamais. « Mon fils, dit le roi, ne t'afflige pas trop. L'amour et la guerre sont deux. Si à la guerre, comme tu l'as écrit toi-même, les surprises sont généralement inattendues, elles sont toujours attendues en amour. C'est pourquoi j'affirmais que Maroussia, comme fait sa mère, nous donnerait du souci. En attendant, console-toi. Tu n'as qu'une tête, ton rival en a 7. C'est dire que Maroussia le couronnera 7 fois plus que toi. » C'était Maroussia et son dragon par Horace von Hoffel.